Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce soir, on est rassemblés, me semble-t-il, pour rendre à Dieu ce qui lui revient. Lorsque nous nous rassemblons pour célébrer l'Eucharistie, nous rendons un culte. Nous révélons, en quelque sorte, ce qui est inscrit en nous et nous le rendons à Dieu. Nous rendons toute grâce reçue en nous rassemblant et en célébrant ensemble la mort et la résurrection du Christ. C'est ce que nous faisons. Et cette interpellation que Jésus invite, à laquelle invitent les pharisiens et les partisans d'Hérode, intervient à un moment bien précis. On continue à lire cet évangile de saint Matthieu, on continue. Vous vous souvenez, nous sommes à Jérusalem, on est toujours dans le temple, ça fait 4 dimanches qu'on est dans le temple de Jérusalem, dans l'évangile de saint Matthieu, on n'en est pas sorti encore. Et il y a à chaque fois des controverses. Jésus est rentré la veille sur un ânon, acclamé par les pèlerins qui venaient fêter Pâques à Jérusalem, acclamé comme le Messie. Il est entré comme le Messie. Et puis les prêtres et les anciens viennent discuter avec lui, ils ont du mal à accueillir sa parole. Jésus, par 3 paraboles, essaye de percer la carapace de leur cœur pour qu'ils reconnaissent qu'il est le Messie. Puis là, les prêtres et les grands prêtres et les anciens sont partis. Ce sont d'autres qui arrivent, c'est les pharisiens et leurs disciples et les partisans d'Hérode. Jésus a dû flairer le coup venir, parce que ce n'est pas des copains. Les pharisiens, c'est précisément ces juifs pieux qui souhaitent rétablir le roi d'Israël et donc mettre l'occupant romain dehors l'empereur. Puis les partisans d'Hérode, Hérode, c'est le potentat qui est en place. C'est le pseudo-roi qui a été mis en place par les Romains et donc eux, ils sont bien contents de la situation dans laquelle elle est. Donc c'est des partis qui ne sont pas faits pour s'entendre. Sauf qu'ils veulent piéger Jésus. Dans leur intention, ils ont le désir de ne pas accueillir le Messie. Dans le fond, cette histoire d'impôts, c'est encore une histoire pour essayer de piéger Jésus et eux pour ne pas avancer. Et Jésus les renvoie. Rendez à César ce qui est à César, mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a quelque chose de profond dans cette invitation de Jésus. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Saint Augustin dit en commentant ce passage, il s'agit pour nous de redonner à Dieu son visage. Autant on va rendre la face de César imprimée sur la pièce, on va la rendre à César, autant on est appelé à rendre à Dieu son image. Et nous savons, son image, elle est inscrite dans chacune de nos cellules, chaque portion de notre corps, chaque partie, notre ADN même est empreint de la face de Dieu. Comme hommes et femmes, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est inscrit en nous. Nous sommes une empreinte de la face divine. Et il y a quelque chose un petit peu de ça aussi dans tout le reste de la création, mais spécialement dans l'homme et la femme. Nous reflétons le visage de Dieu. Du moins, nous sommes appelés à le refléter. Nous savons que, vous connaissez peut-être cet adage, qui s'assemble se ressemble. En tout cas, c'est dans ce sens-là que je l'ai mis, je ne sais plus si c'est l'inverse ou c'est ce sens-là, mais dans ce sens-là, ça me paraît cohérent. Qui s'assemble finit par se ressembler. On le voit dans une famille. Au bout d'un moment, le mari et la femme finissent par déteindre l'un sur l'autre, autant les bonnes qualités que des fois les moins bonnes, on déteint l'un sur l'autre. Parce que l'on s'aime, parce que l'on prend du temps l'un avec l'autre, parce que l'on est proche l'un de l'autre, on finit par se ressembler. Moi, quand j'étais petit, puis que j'ai commencé à avoir ma voix d'homme et que je répondais au téléphone, les gens croyaient que c'était mon père. On avait la même voix, apparemment. Ça nous arrive, nous, des fois, au téléphone, on ne sait pas sur qui on tombe, la maman, la fille, on est perdu. Mais oui, parce qu'on a des voix qui se ressemblent, on a des attitudes corporelles, on a des manières de s'habiller, on a plein de choses. On finit par se ressembler, pour le meilleur ou pour le moins bon. C'est une invitation, frères et sœurs, en cette journée mondiale missionnaire, nous sommes appelés invités à refléter la face de Dieu. Nous sommes invités à ce que le monde qui vit avec nous, les personnes avec qui nous travaillons, les membres de notre famille qui ne croient pas en Jésus, les personnes que nous croisons dans le quotidien, en nous voyant, voient quelque chose de Jésus. Nous sommes appelés à refléter le visage, quelque chose du visage de Dieu. C'est une grande responsabilité, mais c'est la plus évidente. Les gens n'écoutent pas ce qu'on dit. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que vous écoutiez ce que je suis en train de dire en ce moment. Mais vous regardez ce que je fais, à peu près. Oui, on regarde comment on vit. Les gens ne nous écoutent pas, ils nous regardent vivre. Et c'est à la mesure où nous reflèterons ce que Dieu et ce que Jésus vit dans l'Évangile, que nous serons des témoins. Mais ça pose de grandes questions et de graves questions. Vous avez certainement été comme moi choqué depuis une dizaine de jours par ces révélations de harcèlement. On a des sortes de figures dont on ne connaissait peut-être pas toujours le nom, de producteurs ou autres. On réalise que c'est des gros pervers. Ben, ça fait peur, c'est choquant. Ça blesse notre société. Ça blesse les relations des hommes aux femmes. Ces femmes sont mortellement blessées. Elles ont certainement perdu toute confiance en l'homme. Puis à l'inverse, les hommes qui, eux, des fois, ceux qui n'ont rien fait, en tout cas, ils disent « Mais comment je dois faire maintenant pour me comporter avec une femme? Est-ce que j'ai le droit de l'approcher, de lui parler ?» Alors on va faire des lois maintenant encore plus sévères pour nous dire qu'on n'a plus le droit de faire ci, plus le droit de faire ça. Mais au-delà de ça, il y a notre manière de vivre. On ne devient pas un pervers du jour au lendemain. C'est qu'on est rentré dans le vice. C'est qu'on a perdu le chemin de la vertu. C'est qu'on a arrêté de travailler la vertu. On a arrêté de rayonner de quelque chose auquel on est appelé. On a commencé à refléter peut-être les saletés qu'on regardait sur Internet, à imiter ces saletés qu'on a pu voir. Ce fléau de la pornographie qui détruit notre société, qui détruit nos vies, qui détruit notre monde, qui empêche de construire des vraies relations saines. C'est une blessure pour notre monde. Et ce n'est pas en faisant des lois pour essayer d'enfermer les gros pervers qu'on va avancer. Essayons de faire de la prévention. Quand est-ce qu'on va dénoncer ce fléau? Quand est-ce qu'on va oser le regarder en face et les conséquences que ça a dans des relations tous les jours? Mais c'est une blessure. Une blessure que notre société, que notre monde, que nous portons. Le visage de Dieu est blessé. Et en cela, nous ne reflétons plus, ou moins, nous portons moins de fruits lorsque nous tombons dans ces chemins qui ne sont plus ces chemins de lumière. Notre vie devient ténébreuse, centrée sur soi, les relations perdent du goût, nous portons plus de fruits, nous nous desséchons comme le figuier. Bien, frères et sœurs, il me semble que la parole de ce soir nous invite à nous laisser restaurer, rénover, renouveler. Dans la beauté du visage de Dieu. Même s'il est crucifié sur la croix, il est beau parce qu'il aime vraiment. Il est rempli d'amour et c'est ça qui nous fait vivre. Frères et sœurs, nous sommes appelés en cette journée mondiale missionnaire à rayonner. Mais pour cela, il faut que nous choisissions combien de temps nous allons prendre avec Dieu pour rayonner de lui. De même que nous rayonnons de nos amis lorsque nous prenons, et parce que nous prenons du temps avec eux, ou de notre famille, parce que c'est notre culture et nous prenons du temps avec elle, de même nous allons rayonner de Dieu si nous prenons du temps avec lui. Si nous sommes des heures sur Facebook, on va rayonner Facebook avec des relations artificielles, rapides, on va switcher et on va rien construire. Si nous investissons une relation intime avec le Seigneur, nos relations vont changer. Demandons cette grâce ce soir de prendre une décision. Une décision pour rayonner de Dieu. Que ce soit en décidant ce soir de venir à la messe chaque dimanche. Que l'on soit en examen ou pas, je viens chaque dimanche. Une heure pour Dieu. Si je veux rayonner de lui, c'est pas beaucoup, hein. Combien d'autres heures je passe à faire autre chose et parfois ça me défigure. Ou bien peut-être je vais décider de passer d'aller me confesser une fois par mois pour redécaper un bon lifting, un bon redécapage de la face pour bien rayonner du Seigneur. Ça fait du bien, une fois par mois. Peut-être je vais décider de prier chaque jour, un petit temps, le matin en me réveillant ou le soir en me couchant, ou plus qu'un petit temps, parce que je sens que j'ai besoin d'investir cette relation avec le Seigneur depuis le temps. J'ai besoin d'être avec lui. Peut-être je vais décider de m'engager pour servir une personne qui est dans le besoin et de donner de l'amour, de donner quelque chose de moi, d'arrêter de vouloir tout recevoir et capter, de donner. Bref, décidons un tout petit quelque chose ce soir pour que nous prenions plus de temps avec le Seigneur pour rayonner de lui, que nous soyons réellement missionnaires, que nos frères et nos amis en nous voyant nous disent « Mais vraiment, il vit quelque chose celui-là. Il a vécu quelque chose avec Dieu. » Et ne nous laissons pas abattre si nous sommes défigurés et blessés. Prenons les chemins. Le Seigneur ne condamne pas. On n'est pas dans un système de loi légaliste où celui qui se fait prendre, c'est celui qui va aller en prison. Le Seigneur veut nous faire avancer, croître et grandir où que nous en soyons et nous aider à rayonner plus de lui. On va prendre une minute pour prendre 30 secondes pour prendre une décision. Voilà, Seigneur, nous te présentons cette décision que nous prenons au fond de notre cœur, que dans les prochains jours, nous l'accomplissions. Si on ne la fait pas demain, on ne la fera jamais. Que demain, nous mettions en pratique cette petite décision pour que nous nous laissions restaurer en profondeur dans l'agir de notre vie par ta grâce. Amen.